L'association d'amitié France-Corée a inséré le 29 juillet dans son page d'internet un écrit contre la trahison pro-japonaise de la bande de Bakune qui cherche à dissimuler les crimes d'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise.